Selon la MBC de Corée du Sud, en date de 2 juillet, la Cour de cassation sud-coréenne a condamné aux travaux forcés Lee Jun-il, qui était président du district de Chungnam de l'Esparté Uni pour le Progrès, pour avoir exalté notre République, ainsi que 8 autres accusés de l'affaire du Dee Party.